cristal de rue. Ici la concurrence n'existe pas. Ça se passe derrière une caméra. Mon flow carrera. Le premier qui parlera canera. Marseille, canne bière. Cheat bière, c'est la dèche. Vide merde, c'est la hesse. Wanted, tire la l'air. Me chercher comme les numéros du Jersey. On arrive, on veut percer. Par le rame, je suis bercé. Je remplis un Bercy. Moi, je te parle de mes envies. Ma bibi, tu te chies. Tu me la touches, je t'ai dit, oh oui. En ce moment, c'est all eyes on me. Dans certains raps, j'entends, c'est la Zermi. Ça habille, bah oui. À ce qui paraît, tu rap vide, mais clé, oui. Ton mic, c'est casse clé, oui. Je fais du rap mais y'a pas forcément des yo-yo. Me demande pas si je rappe bien ho-ho. Quand je rappe c'est trop yo. Je rappe pas si mon trop haut. Faut se mettre prêt car les autres ils sont trop chauds. Boycotteur pour info, c'est ta mère la l'info. Ici c'est casse-couille, casse-bouille, casse dans les casse-croûte. Quand j'arrive c'est quasiment vrai. Elle me parle pas de faux, oh sale fou. C'est pour être à la case million. Y'a un mur, je rentre dedans directement. Son constat grand. C'est casse-couille, oui. Casse-couille, oui. La concurrence se casse, Manweka, Zmanweka, Zmanwe. La concurrence te l'écrase, man. C'est K, Zmanweka, Zmanwe. La concurrence se casse, Manweka, Zmanweka, Zmanwe. La concurrence te l'écrase, man. C'est K, K, K, casse, oui. K, K, K, casse, oui. Je te casse, oui. Bah oui. K, K, K, casse, oui.